La cérémonie de mariage entre Jane Eyre et Mr. Rochester est interrompue par Mr. Mason, accompagné par un avoué de Londres qui révèle l'impossibilité de cette alliance. Le fiancé a déjà une épouse et celle-ci est encore vivante. Mr. Rochester dévoile alors le mystère de la chambre du troisième étage où depuis de nombreuses années il tient enfermé sa femme atteinte de maladies mentales et dangereuses. Anéantie, Jane décide de quitter Thornfield sur le champ, laissant derrière elle son amour. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Huitième épisode. Elle Nous avons bien fait de la faire entrer. Heureusement que nous nous sommes rendus compte de sa présence. Oh oui. Si elle avait passé la nuit dehors, on l'aurait trouvée morte sur le seuil de la maison demain matin. Elle a dû traverser de bien dures épreuves. Oui. Pauvre créature errante, si pâle et si maigre. Ses vêtements, bien que trempés et souillés de boue, sont peu usagés et de bonne qualité. Si elle était en bonne santé et plus animée, je suis sûre que sa figure deviendrait tout à fait agréable. Elle a une physionomie qui sort de l'ordinaire et qui n'a certes rien de bas ni de vulgaire. À dire vrai, John, j'éprouve de la pitié pour elle. Je voudrais être en mesure de lui faire du bien de façon durable. Vous n'en aurez pas l'occasion, vous verrez. Nous allons découvrir que c'est une jeune fille de bonne famille qui s'est sauvée de chez elle. Nous la leur ramènerons peut-être, si toutefois elle n'est pas trop obstinée. Certains traits de son visage indiquent un caractère qui me fait beaucoup douter de sa docilité. Elle semble intelligente, mais elle n'est pas belle. Elle est si malade. Malade ou non, elle sera toujours aussi laide. Allons, laissons-la se reposer encore. Voilà déjà 3 jours que nous l'avons recueillie, et elle ne fait que dormir. Anna dit qu'elle mange à peine. Ne devrait-on pas faire venir un médecin? Elle ira mieux dans quelques jours, j'en suis certain. Elle doit se remettre d'une grande fatigue. Comment? Vous vous êtes levé. C'est donc que vous allez mieux. Asseyez-vous à ma place au coin du feu, si vous voulez. Quel est le nom de cette maison? Les uns l'appellent Marsh End et d'autres Moor House. Et Mr. St. John est le maître de la maison? Non, Mr. St. John n'habite pas ici. Il y est en séjour seulement. Il demeure d'habitude dans sa paroisse à Morton, à quelques miles d'ici. Sa paroisse? Il est pasteur. Et Mr. River's père demeurait ici, et son père, son grand-père et son bisaïeul y ont vécu avant lui. Alors ce monsieur s'appelle Mr. St. John Rivers. Oui. St. John est pour ainsi dire son prénom. Les demoiselles sont ses sœurs, Diana et Mary. Leurs parents sont morts? Oui, leur père est mort d'une attaque il y a 3 semaines. Et notre maîtresse est morte il y a bien des années. Vous êtes donc dans la maison depuis longtemps? Depuis 30 ans. Je les ai nourris tous les 3. Cela prouve combien vous êtes honnête et fidèle à vos maîtres. Dites-moi, puis-je vous aider pour le repas? Si vous voulez éplucher les pommes pendant que je fais la pâte pour la tarte. Monsieur Rivers, père, était un homme simple, mais bien élevé. Madame, elle aimait la lecture et elle étudiait beaucoup. Les enfants tiennent d'elle. Oh, miss, vous êtes là? Vous auriez dû attendre ma permission avant de quitter votre chambre. Vous êtes encore bien pâle, pauvre petite. Et pourquoi venir ici, à la cuisine? Ce n'est pas votre place. Nous venons souvent à la cuisine, Mary et moi, parce qu'ici, nous poussons la liberté jusqu'à la licence. Mais vous êtes notre hôte. Il faut venir au salon. Mais je suis très bien ici. Pas du tout. Anna vous couvre de farine. Et puis le feu est trop ardent pour vous. Bien sûr. Allons, il faut être obéissante. Tenez, mangez ce gâteau tout de suite. Je vais préparer le thé. Vous avez très faim ? Oui, monsieur, en effet. Mais je ne compte pas manger longtemps à vos frais. Non. Quand vous nous aurez donné l'adresse de vos parents, je leur écrirai. Et vous pourrez sans doute rentrer chez vous. Je dois vous prévenir que cela n'est pas en mon pouvoir. Je n'ai ni parents ni foyer. Vous voulez dire que vous êtes complètement isolée ? Sans aucune famille ? Oui. Aucun lien ne m'attache à un être quelconque. Et je ne puis réclamer l'abri d'aucun toit. Quelle étrange situation pour une jeune fille de votre âge. Vous n'êtes pas mariée ? Voyons, elle n'a guère que 17 ou 18 ans. J'ai près de 19 ans. Mais je ne suis pas mariée. Non. Où avez-vous résidé en dernier lieu ? Vous êtes trop indiscret, Saint-Jean. Le nom de l'endroit où je demeurais et celui de la personne chez qui je vivais sont mon secret. Cependant, si je ne sais rien de ce qui vous touche, je ne pourrai pas vous aider. Et vous avez besoin d'assistance, n'est-ce pas ? Oui, j'en ai besoin et je la réclame. Je dois me procurer un travail capable de me fournir au moins l'indispensable. Je suis disposé à vous aider de tout mon pouvoir à atteindre un but si légitime. Mais dites-moi d'abord de quel travail vous avez l'habitude, ce que vous savez faire. Mr. Rivers, vous m'avez rendu, vous et vos sœurs, le plus grand service qu'on puisse rendre à son prochain. J'ai échappé à la mort grâce à votre généreuse hospitalité. Ce bienfait vous donne un droit incontestable à ma gratitude. Et jusqu'à un certain point, à ma confiance. Je vais vous dire l'histoire de la créature errante que votre maison abrite, autant que je puis le faire sans compromettre ma tranquillité d'esprit, ma sécurité et celle des autres. Je suis orpheline. Mon père était pasteur. Mes parents sont morts avant que j'aie pu les connaître. J'ai été élevée dans une institution charitable, l'orphelinat de Lowood, que j'ai quittée il y a un an à peu près, pour entrer comme institutrice dans une famille. J'avais une belle situation, et je me trouvais heureuse. Je fus obligée de quitter brusquement cette maison 4 jours avant mon arrivée ici. Je ne puis ni ne dois vous expliquer la cause de mon départ. Ce serait inutile, dangereux, et cela vous paraîtrait invraisemblable. Mais je n'ai rien à me reprocher. Je suis aussi innocente que vous-même de tout acte répréhensible. Je suis profondément malheureuse. Je le serai pendant longtemps, car la catastrophe qui m'a chassée d'une maison que je considérais comme un paradis fut étrange et terrible. Je n'ai eu que 2 choses en vue quand j'ai décidé de partir, la rapidité et le secret. Pour les obtenir, j'ai dû laisser derrière moi tout ce que je possédais, tout, sauf un petit paquet que, dans mon trouble, j'ai oublié dans la diligence qui m'a amenée à Whitcross. Je suis donc arrivée dans ce district dénué de tout. J'ai dormi 2 nuits à la Belle Étoile. J'ai erré pendant 2 jours sans franchir le seuil d'une maison. Je n'ai mangé que 2 fois durant ce laps de temps. La faim, l'épuisement et le désespoir allaient avoir raison de moi quand vous m'avez offert l'abri de votre toit, monsieur. Je sais tout ce que vos sœurs ont fait pour moi depuis, car je n'étais pas complètement sans connaissance dans ma torpeur apparente. Et je dois autant à leur compassion naturelle, si généreuse et si spontanée, qu'à votre charité évangélique. Ne la faites plus parler pour le moment, Saint-John. Elle n'est pas encore capable de supporter tant d'émotions. Venez vous asseoir sur le sofa, Miss Elliot. Vous nous avez bien dit que vous vous nommiez Jane Elliot. Je vous l'ai dit, en effet. C'est ce nom qu'il faut me donner à présent, mais ce n'est pas mon nom véritable. Et il résonne étrangement à mes oreilles. Vous ne voulez pas nous dire votre vrai nom ? Non, je crains par-dessus tout d'être découverte. Vous avez raison, j'en suis persuadée. Maintenant, laissez-lui un peu de repos. Vous ne tenez pas, je le vois, à profiter longtemps de notre hospitalité. Vous désirez pouvoir vous passer, aussitôt que possible, de la compassion de mes sœurs et de ma charité. En un mot, vous aimeriez être indépendante. En effet, je vous l'ai dit. Aidez-moi à chercher ou à trouver une occupation. C'est tout ce que je demande. J'irai dans la plus humble chaumière. Mais jusqu'alors, permettez-moi, je vous prie, de rester ici. Mais bien sûr que vous resterez chez nous. Je serai couturière, lingère, servante, bonne d'enfant si je ne puis trouver mieux. C'est bien. Si vous êtes dans de telles dispositions, je vous promets de vous aider en temps voulu, à ma façon. Pouvons-nous boire le thé maintenant? Celui-là, je l'ai terminé, il est magnifique. C'est vrai ? Ouais. Plus j'apprenais à connaître les habitants de Moor House, plus je les appréciais. En quelques jours, je fus assez remise pour prendre part à tous les travaux de Diana et de Mary. Un plaisir très vif se mêlait à tous nos rapports. Plaisir tout nouveau pour moi. Celui qui résulte d'une parfaite communauté d'idées, de goûts, de principes. Elles étaient toutes les deux plus instruites et avaient plus lu que moi. Mais je m'engageais avec enthousiasme sur leurs traces dans le sentier du savoir. Je dévorais les livres qu'elles me prêtaient. Et c'était une satisfaction toujours nouvelle que de discuter le soir avec elles de mes lectures de la journée. Nos natures s'accordaient parfaitement. Et une amitié profonde et réciproque ne tarda pas à nous unir. Elles s'aperçurent que je savais dessiner et mirent aussitôt leurs crayons et leurs boîtes de couleurs à ma disposition. Mon habileté, un peu supérieure à la leur sur ce point, parut les charmer. Mary me regardait travailler pendant des heures. Puis elle voulut des leçons. Quelle élève docile, intelligente, assidue je trouvais en elle. Nos journées, si agréablement occupées, passaient comme des heures, et les semaines comme des journées. Quant à Mr. St. John, il n'avait aucune part à l'intimité qui m'unissait si étroitement à ses sœurs. Une des raisons de cette réserve venait de ce qu'il n'était presque jamais chez lui, car il passait le plus clair de son temps à visiter les pauvres et les malades de sa paroisse disséminée. Vous avez quelque chose à me demander ? Oui. Je voudrais savoir si vous avez entendu parler d'une occupation qui puisse me convenir. J'en ai trouvé une, il y a 3 semaines. Mais comme vous paraissiez vous plaire ici, que vous vous rendiez utile et que mes sœurs semblaient jouir de votre société, je n'ai pas jugé opportun de rompre cette harmonie, avant que le départ de Mary et de Diana ne rende le vôtre inévitable. Elles partent dans 3 jours. Oui. Mais je crois que vous accepterez le poste que je vais vous offrir, et que vous l'occuperez pour un temps. Pas pour toujours, cependant. Pas plus que je ne pourrais remplir toute ma vie l'œuvre étroite et déprimante, tranquille et cachée d'un pasteur de village. Votre nature, comme la mienne, est réfractaire au repos, à l'immobilité, quoique d'une façon différente. Expliquez-vous ? Volontiers. Vous allez voir combien l'œuvre que je vous propose d'accomplir est humble. Quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, il n'y avait pas d'école pour les enfants des pauvres. J'en ai fondé une pour les garçons. J'ai maintenant l'intention d'en ouvrir une pour les filles. J'ai loué un local auquel est attachée une maisonnette de 2 pièces pour le logement de l'institutrice. Celle-ci aura 30 livres de salaire annuel. Voulez-vous être cette maîtresse d'école ? Je vous remercie de votre proposition, Mr. Rivers. Je l'accepte de grand cœur. Mais vous avez bien compris que ce n'est qu'une école de village. Vos écolières seront les fillettes des paysans. Vous leur enseignerez seulement à lire, écrire et compter, à coudre et à tricoter. À quoi vous serviront tous vos talents? Et vos aspirations morales? Vos sentiments? Vos goûts raffinés? Je les garderai pour le jour où j'en aurai besoin de nouveau. Ils ne se gâteront pas. Soit. C'est parfait. Vous prendrez votre poste demain. Nous devions déjà nous séparer de notre frère et maintenant vous, Jane. Ce n'est que pour un temps seulement. Nous nous reverrons. Oui, pour vous, Jane, je le crois. Mais pour ce qui est de St. John, rien n'est sûr. Il sacrifiera tout au projet qu'il a formé depuis si longtemps. St. John a l'air calme, Jane, mais il cache une âme ardente. Vous pourriez croire qu'il est doux, mais sur certains points, il est inexorable, comme la mort elle-même. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que ma conscience ne me permet pas de le dissuader de ses projets. Je ne puis certes pas l'en blâmer. Son but est juste, noble, chrétien. Et cependant, j'en ai le cœur brisé. Nous n'avons plus de père. Nous n'aurons bientôt plus de foyer, plus de frères. Notre oncle John est mort. Il est mort ? Oui. Et alors ? Alors quoi, Diana ? Alors rien. Lisez vous-même. Ainsi soit-il. Nous avons des moyens d'existence par nous-mêmes. Nous ne sommes pas plus malheureux qu'auparavant. Seulement cela fait venir de pénibles idées sur ce qui aurait pu arriver. Le contraste est frappant avec ce qui est. Jane, vous vous étonnez sûrement de nos façons mystérieuses, et vous nous trouvez bien insensibles de ne pas nous attrister davantage en apprenant la mort d'un si proche parent. Mais nous n'avons jamais vu ni connu notre oncle. Mon père s'est brouillé avec lui il y a fort longtemps. Sur ses conseils, il avait risqué le plus gros de son avoir dans des spéculations qui l'ont ruiné. Mon oncle a fait ensuite de brillantes affaires. Ne s'étant jamais marié, il n'avait pas d'autres parents que nous et une autre nièce, pas plus proche que nous-mêmes. Cette lettre nous informe qu'il a légué jusqu'au dernier sou à cette autre parente. Il avait certes le droit d'agir comme il l'entendait, et cependant, Mary et moi, nous nous serions trouvés riches, avec chacune 1000 livres. Et quant à Saint John, cette somme lui eût été précieuse, à cause du bien qu'elle lui eût permis de faire. Cette explication une fois donnée, nous n'abordâmes plus ce sujet. Mr. Rivers et ses sœurs n'y firent plus allusion. Le lendemain, je quittai Marsh End pour Morton. Le jour suivant, Diana et Mary partirent pour une ville lointaine. Une semaine plus tard, Mr. Rivers et Anna se rendirent au presbytère. La vieille maison fut livrée à elle-même. Mon école villageoise s'est ouverte ce matin, avec 20 élèves, dont 3 seulement savent lire. Aucune ne sait écrire ni compter. Quelques-unes tricotent ou cousent un peu. Elles ont, en parlant, l'accent très prononcé de cette province, au point que j'ai peine à les comprendre et à me faire comprendre d'elles. Les unes sont mal élevées, grossières, ingouvernables aussi bien qu'ignorantes, mais d'autres se montrent dociles et témoignent du désir d'apprendre. Leur bonne volonté me fait plaisir. Mon devoir sera de développer ces dispositions. Et il me procurera, j'en suis sûre, des joies intimes et profondes. Je n'attends pas de cette vie nouvelle beaucoup de plaisir, mais en disciplinant ma pensée, j'en aurai encore assez pour vivre au jour le jour. Mr. Rivers, entrez, je vous en prie. Non, je n'ai pas le temps. Je vous apportais seulement un petit paquet que mes sœurs ont laissé pour vous. Il contient, je crois, une boîte de couleurs, des crayons et du papier. Merci. Alors, votre première journée de classe vous a-t-elle semblé plus pénible que vous ne vous y attendiez ? Oh non, au contraire. Je crois qu'avec le temps, mes élèves feront des progrès satisfaisants. C'est très bien. J'espère que vous ressentez vraiment le contentement dont vous parlez. Naturellement, je ne connais rien de votre passé, mais je vous conseille de ne pas regarder en arrière, de vous appliquer de toutes vos forces à remplir la tâche que vous venez d'entreprendre. Et cela pour au moins quelques mois. C'est bien mon intention. C'est dur de vaincre ses penchants et de contrarier ses dispositions naturelles, mais c'est possible. Je le sais par expérience. Il y a 1 an, j'étais profondément malheureux. Je craignais de m'être trompé en me vouant au ministère évangélique. Les devoirs monotones de ma charge m'ennuyaient à mourir. Ma vie me semblait si odieuse qu'il me fallait en changer ou mourir. Après des mois de lutte, j'eus une révélation. Le secours me vint. Mon existence étroite parut s'élargir jusqu'à embrasser l'univers. un appel d'en haut m'ordonnait d'aller porter au loin le message divin. Je résolus donc de devenir missionnaire. Dès lors, ce fut en moi un changement complet. Mes facultés libérées ne gardèrent plus rien de cette contrainte qui les étouffait. Une certaine tristesse subsista seule, et le temps m'en guérira. Mon père s'opposa, il est vrai, à ma détermination, mais depuis sa mort, il n'est plus d'obstacle sérieux à mes projets. Mes affaires une fois réglées, mon successeur installé à Morton, un ou deux liens sentimentaux brisés ou tranchés nets, difficulté que je saurais surmonter parce que je me le suis promis, je quitterai l'Europe pour l'Orient. Enfin, nous en reparlerons en temps voulu. Je vous laisse, Jane. Passez une bonne soirée. Au revoir, monsieur. Avec le temps, j'étais devenue populaire dans le village. Lorsque je sortais, j'entendais de tous côtés des salutations cordiales, tandis que des sourires amicaux m'accueillaient. Vivre ainsi parmi la bienveillance générale, émana-t-elle de gens du peuple, c'est comme de s'asseoir au soleil, car la sérénité fleurit sous ses rayons. À cette période de ma vie, mon cœur fut plus souvent gonflé de reconnaissance que noyé de regrets. Et pourtant, pour tout avouer, au milieu de cette existence calme et utile, après un jour dépensé en efforts honorables parmi mes écolières, une soirée passée à dessiner ou à lire seule, j'avais d'étranges rêves la nuit, des rêves colorés, agités, pleins d'idéal, d'orages, de paysages inconnus, aventureux, où je rencontrais parmi de romanesques épisodes Mr. Rochester. Alors, j'éprouvais de nouveau la sensation d'être dans ses bras, d'entendre sa voix, de croiser son regard, de toucher sa main et sa joue, de l'aimer et d'être aimé par lui. L'espoir de passer une vie à son côté revivait en moi avec toute sa force et son ardeur primitive. Alors, je m'éveillais, je me rappelais qui j'étais et quelle était ma situation. Alors, tremblante et angoissée, je me dressais sur mon lit, et la nuit sombre était témoin du paroxysme de ma passion. Mais à 9h le matin, j'ouvrais ponctuellement l'école, calme et tranquille, prête à la tâche sévère de la journée. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Huitième épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Jane, Guillaume Marquet, Saint John, Léonie Pinjot, Diana, Delphine Cognard, Mary, Christine Pignet, Anna. Et les voix de Marie-Charlotte Biais, Sophie Doll, Manon Knezet, Marjorie Delarquier, Capucine Lespinasse, Leslie Menahem, Luna Murati, Yasmine Nadifi, Marie Nedjar, Emmanuel Apache, Claire Rapin, Sophie Doll, Manon Jusforgue, Maëlys Ricordo, Lola Roskis, Pascal Roger. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet. Musicien, Théo Secaldi, Anne Le Pape, Séverine Morfin, Sabine Ballas. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Houssin, Vivien Demeyer, Juliette Eman.